Nous saluons encore une fois ce soir avec joie chaque frère, chaque sœur, dans les nombreux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous sommes réellement dans la joie? Amen. D'être dans la présence de Dieu? Amen. Nous nous mettons debout. Nous ouvrons nos Bibles dans Genèse. Continuons avec notre sujet. Je n'enseigne pas. Mais on est en train de parler sur l'adoption. Le berger est censé faire cela. Donc on est venu apporter quelque chose réellement caché dans ça, afin que nous puissions comprendre le pourquoi et comment même travailler pour que nous puissions réellement arriver à être agréable, à être adopté à Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Que Dieu ajoute des bénédictions avec toute sa parole. Notre Dieu et notre Père, encore une fois ce soir, nous sommes dans ta présence. Sous le sang de Jésus-Christ, regarde chacun d'entre nous avec des yeux compatissants. Nous sommes approchés de toi, tel que nous sommes, Seigneur, dans ton amour, dans ta miséricorde. Oh Dieu, puisse vraiment nous aider. Nous ne venons pas faire passer notre temps. Nous venons pour la chose essentielle. C'est pourquoi, sous le sang de Jésus, aide chaque frère, aide chaque sœur, et souviens-toi aussi de toutes nos requêtes. Naturellement, est-ce que c'est nos prières pour notre joie et pour la gloire de ton nom, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ? Nous te prions ainsi. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, Roma, 8. Si vous lisez d'abord le verset 1, Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Car ceux qu'il a connus d'avance, c'est ça la préscience de Dieu. C'est pas aujourd'hui que Dieu nous a connus. C'est pas aujourd'hui, ma soeur, que Dieu te connaît. Dieu t'avait connu avant la fondation du monde. Amen. Amen. C'est ça la préscience. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. La prédestination, c'est pas aujourd'hui que Dieu nous a prédestinés. C'est pas aujourd'hui que Dieu nous a connus. Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Dieu nous a aussi prédestinés avant la fondation du monde. Est-ce que vous êtes là? Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Est-ce que vous saisissez là? Il nous a prédestinés à quoi? Il nous a prédestinés à quoi? À être semblable à l'image de son fils. Pourquoi il nous a prédestinés à être semblable à l'image de son fils? De tous les hommes qui existent, tel que nous sommes là, mes frères et sœurs, quel est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu? Quel est l'homme qui a été créé à la ressemblance de Dieu? Toi et moi, nous n'avons pas été créés à l'image de Dieu. Celui qui a été créé à l'image de Dieu, c'est Adam. Toi et moi, nous n'avons pas été créés à l'image de Dieu. Si nous avons été créés à l'image de Dieu, Dieu ne pouvait pas encore nous prédestiner à être semblable à l'image de son fils. Si Dieu nous a prédestinés à être semblable à l'image de son fils, c'est parce que nous portons une image qui est déformée. Nous portons une image qui est corrompue. Nous portons une image qui est privée de la gloire de Dieu. En naissant par la femme. Amen. Amen. En naissant par la femme, les frères et sœurs qui ne portent pas l'image de Dieu. Si on peut bien comprendre ça, nos prières peuvent avoir encore beaucoup plus de sens. Maombie, tu n'as pas été dans la veille, Kabisa. Genèse chapitre 5. Mwanzo sura 5. Voici le livre de la postérité d'Adam. Pour en dire pale, tazameni kitabu kia uzao ya Adamu. Lorsque Dieu créa l'homme, wakati Mungu aliumba mutu, il le fit akamfanya à la ressemblance de Dieu. Mwenye kufanana na Mungu. Il créa l'homme et la femme. Akaumba mwanaume na mwanamke. Il les bénit. Akawabariki. Il les appela du nom d'homme. Akawaita mujina ya mutu. Lorsqu'ils furent créés. Wakati waliumbwa. Adam. Adamu. Âgé de 130 ans. Mwenye kwa na umri ya miaka 130. Engendra. Akazala. Un fils. Mwana moja. À sa ressemblance. Mwenye kufanana naye. Selon son image. Kufanana na picha yake. Engendra. Akazala. Celui qui a été créé. Ula aliumbwa. À l'image de Dieu. Kupita ya Mungu. C'est Adam. Ni Adamu. Mais Adam. Lakini Adamu. N'a pas gardé l'image de Dieu. Akuchunga picha. Quand le péché est entré. Le péché a brisé l'image de Dieu. Ilivunda picha ya Mungu. Adam n'était plus à l'image de Dieu. Adamu akukwe tena mupicha ya Mungu. Toi et moi, we na mie, nous sommes engendrés. Tunazalishwa, pas à l'image de Dieu, apana mupicha mais à l'image d'Adam. Lakini mupicha ya Adamu, nous sommes engendrés. Tunazalishwa, pas à la ressemblance de Dieu, apana mupanana mais à la ressemblance d'Adam. Lakini wenye kufanana na Adamu. Et Adam, na Adamu, il nous a engendrés dans quel état? Atuzala muhali gani? Il était privé de la gloire de Dieu. Alikuwa kukosewa utukufu wote ya Mungu. Il était privé de la gloire de Dieu. Alikuwa nyanganywa na utukufu ya Mungu. Quand le péché est entré. Wakati dhambi ingia. Mes frères et sœurs. Wakati mama dada yangu. Quand Dieu a créé l'homme. Wakati Mungu. Et quand l'homme était à l'image de Dieu. Wakati mtu alikuwa mpitia Mungu. L'homme dominé. Mtu alikuwa anatawala. L'homme dominé. Mtu alikuwa anatawala. Sur le poisson de la mer. Samaki ya bahari. L'homme dominé. Mtu alikuwa anatawala. Sur tous les reptiles. Ba vitambazi vyote. La nature obéissait à ce que l'homme disait. Wala si kile mtu anaenda kutenda. Si aujourd'hui. Kama leo hii. Nous ne sommes pas dans cet état. Parce que le péché est entré. Dhambi ilingia. Je ne sais pas si l'église comprend. Dieu kama kanisa inasikia. C'est pourquoi. Kwa maana Dieu. Mungu. Il nous dit. Anatuonesha. Ce qu'il a connu d'avant. Wala alitangulia kujua. Même si. Hata kama. Nous sommes tombés. Tulianguka. Par le péché. Dhambi. Et dans le péché. Ndani ya dhambi. Dieu n'a pas croisé les bras. Mungu atikukunja mikono. Dieu devrait encore travailler. Mungu alipata tena kutumika. Pour élever l'humanité qui était tombée. La musa tena ulimwengu ulianguka. Dieu devrait travailler. Mungu alipata kutumika. Pour élever l'homme qui était tombé. Dieu kwa mtu ule alikuwa tanguka. C'est pourquoi. Kwa maana. Nous ne sommes pas seulement dans l'œuvre de la création. Mais nous sommes aussi dans l'œuvre de la rédemption. Kwa vile vile mukazi ya ukombozi. Et dans l'œuvre de la rédemption. Na mukazi ya ukombozi. Dieu nous redonne. Mungu anatupatia tena. Dieu nous redonne. Mungu anatupatia tena. Ce que nous avions perdu. Ile tulipoteza. C'est pourquoi le message que nous croyons, c'est un message de rétablissement, c'est un message de restitution, c'est un message de restauration. Ce message nous restaure, ce message nous ramène à l'original, ce message nous ramène à ce que nous étions. Si aujourd'hui il y a des chrétiens piratés, mais ici il ne doit pas y avoir des chrétiens. Nous devons avoir l'original. Amen. Amen. C'est clair jusque-là. Ceux qui l'ont connu d'avance. Il les a aussi prédestinés. À être, comme je l'ai dit hier, et comme nous l'avions lu, à travers la prédication sur l'adoption, que l'homme de Dieu avait prêché, il dit que l'élection, regarde en arrière, regarde à la prescience. Donc prescience, c'est moi. Kutangulia kujua maana yake. Kutangulia kujua. La prescience. C'est ça. Jo vile. Il n'y a pas de mathématiques là-dedans. Hapana hesabu kufanya pale. Kutangulia kujua kwa Mungu. La prescience de Dieu. Mungu alitangulia kukujua. Dieu te connaissait d'avance. Mungu ashikuyue leo. Dieu t'a pas connu aujourd'hui. Hapana kulia ria. Tu pas pleurnicher. Mungu ashikuyue leo. Dieu t'a pas connu aujourd'hui. Mungu alitangulia kukujua. Avant que dunia ikuye. Avant que le monde ne soit. Savila riyonga sema wewe utamwamini waji kwara lui utamwamini waji kwara lui kwara lui. Nous ne sommes pas un produit de hasard. Mon frère, si tu crois que tu es un produit de hasard, Amen. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu t'a connu. Dieu t'a connu. Avant qu'il commence à créer le monde, Dieu t'avait déjà connu. Et dans sa présence là, Dieu t'avait élu. Et dans sa présence là, Dieu t'avait déjà prédestiné. Amen. Amen. L'élection. Kuchaguliwa. Regarde en arrière. Oh, kunangaliaka kumkongo. Faire la préscience. Kunangalia mule mkutangulia kujua. Sabe le Mungu alitangulia kunijua. Étant donné que Dieu m'avait connu d'avance. Sabe le Mungu alitangulia kunijua. Étant donné que Dieu m'avait connu d'avance. Avant que ata muchi moya ikwe pa bulongo. Avant même que l'arbre se retrouve sur cette terre. Amen. Amen. Sabe le Mungu alitangulia kunijua. Étant donné que Dieu m'avait connu d'avance. Mungu ye moya ananichakula. M'a choisi. Et l'élection de Dieu n'est pas liée à ce que l'homme fait. L'élection de Dieu est liée à sa propre volonté. L'élection de Dieu est liée à son amour. Amen. Amen. C'est moi j'ai cherché hier la boîte dans la boîte de Mpemba. Oui, ce n'était pas pour écrire. C'était que quand vous prenez une boîte de prêt, vous savez, quand il m'avait un carton à Tchaki, je me demande Mpemba ya rouge, il y a des craies rouges, je me demande Mpemba ya vert, il y a des craies de couleur verte, je me demande Mpemba ya bleu, il y a des craies de couleur bleue, je me demande Mpemba ya moupe, il y a des craies blanches, vous n'avez pas de pande, il peut y avoir des parties. Donc quand vous regardez, c'est comme toute l'humanité. Ah, vous regardez ça, il carton, tout ça, il y a des craies rouges, ça, ça, il y a des anangaria. Mais là, Dieu regarde. Anangaria, vous n'avez pas de Mpemba, vous l'avez fou, il peut y avoir des craies de l'homme. Mais Mungu ye, anachambula kale kampemba ka bleu ka kukachika. Le morceau de craie bleu qui était déjà coupé. C'est selon son bon plaisir. Ce n'est pas selon le bon plaisir de quelqu'un. Quand il y a un Dieu qui choisit, c'est selon mon bon plaisir. Je devais dire à Dieu de choisir seulement les membres de ma famille. Choisis seulement ce qui a toujours fait du bien pour moi. C'est lui qui m'a toujours causé du tort. Il ne faut pas les choisir. Donc il n'y a personne qui a conseillé Dieu pour que Dieu puisse le choisir. Il n'y a personne qui a conseillé Dieu. Dieu lui-même, par son bon plaisir, à travers sa pression, il t'a élu. Comme Jésus dit à ses disciples, c'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai déjà choisi. Dada, ma soeur, par élection, est-ce qu'on a mis la semaine pour mon corps et mon Dieu dans la main de Dieu? Frère, Duku, par élection, est-ce qu'on a mis la semaine pour mon corps et mon Dieu? Tu es vraiment dans la main de Dieu? Maintenant, quand Dieu t'a élu, sasa, wakati Mungu alikuchagua, il dit maintenant, anasema sasa, Albert, je vais le prédestiner. Albert, tatangulia kumutayarisha. Tatangulia kumutayarisha. Je vais le prédestiner. Et comme nous l'avions lu, na sabe tulisoma, la prédestination, kutangulia kutayarishwa, regarde à quoi? Kunangaliaka nini? La prédestination. Kutangulia kutayarishwa. Ne regarde pas en arrière. Hapangaliaki na kumkongo. La prédestination regarde en avant. Kutangulia kutayarishwa kunangaliaka ya kumbele. Et qu'est-ce que la prédestination voit? Sasa kutangulia kutayarishwa kunaonaka nini? La prédestination voit ma destinée. Kutangulia kutayarishwa kunaangalia elekeo yangu. Namna ngine ya kusema. Nous sommes nés dans le monde. En naissant dans le monde, nous avions contourné la parole de Dieu. En ne sont pas nés par la parole de Dieu. Nous sommes en contournant la parole de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Adam et Ève comment ils devraient enfanter. C'est Satan qui a donné cette révélation à Adam et Ève. Est-ce que vous comprenez? Nous avions contourné. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, il nous donne encore sa parole. Pour que sa parole nous ramène. Je vous enverrai Élie le prophète avant le jour de l'éternel. Il ramènera le cœur des enfants au cœur de leur père. Nous sommes ramenés à quoi? Ramenés à l'original. Nous sommes ramenés à quoi? Ramenés à la volonté parfaite de Dieu. Amen. Nous sommes ramenés. Ramenés à quoi? Ramenés au bon plaisir de Dieu. Et si nous sommes ramenés à ça, si nous sommes ramenés à la volonté parfaite de Dieu, donc Dieu veut nous voir vivre dans sa volonté parfaite. Si nous sommes ramenés au bon plaisir de Dieu, Dieu veut nous voir vivre selon son bon plaisir. C'est là que nous échouons. C'est là que nous échouons. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'adoptions. Parce que beaucoup de gens ne travaillent pas. Il y a la naissance. Il y a la croissance. Il y a aussi la maturité. Tu es arrivé maintenant à la maturité. Un homme qui a grandi. Il ne peut pas porter des scandales. Il ne peut pas agir n'importe comment. Pourquoi on n'arrive pas? C'est parce que il n'y a pas de croissant. Les gens ne croissent pas. Et Dieu ne peut pas adopter un enfant. Dieu adopte celui qui arrive à l'âge mature. C'est pourquoi il dit, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles de Dieu. On doit voir comment travailler. Si je te pose la question. Frère, comment est-ce que tu travailles pour ton salut? Comment est-ce que tu travailles pour ton salut? Je vous pose la question, mes soeurs. Comment est-ce que vous travaillez pour votre salut? Parce que la Bible dit, travaillez pour votre salut avec crainte et mais maintenant si je vous pose la question, comment est-ce que vous travaillez pour votre salut? Je pense que chacun peut répondre dans son cœur. Comment est-ce que nous travaillons pour notre salut? C'est en venant seulement à l'église, nous chantons, nous prions, nous sortons. Si c'est ça, tout le monde sera agréable à Dieu. Parce que même Satan va à l'église. Il chante. Il chante. Il adore. Il adore. Amen. Amen. On va y arriver. Tout à fait. Si Dieu nous a prédestinés à être semblables, à être semblables à l'image de son fils. C'est parce que nous sommes engendrés. À l'image d'Adam. Si nous l'avons lu. N'est-ce pas? A été à la ville. Tu te transformes. Nous l'avons lu. Il y a beaucoup de prédications. Kuko maubiri ya mingi. C'est pas pour rien. Aina ya bure hapana. Que l'homme de Dieu pouvait prêcher les images de Christ. Ya mapicha ya Kristo. Les images de Christ. Ma picha ya Kristo. Il pouvait prêcher sur la robe d'occasion. Aliwezi kuhubiri juu ya nkanjo ya mkombo. Il pouvait prêcher sur l'identification. Juu ya kitambulisho. Et le message. Na ujumbe. La Bible dit, heureux ceux qui sont appelés au festin de l'ose de l'agneau. Parce qu'il a été donné à l'épouse de se préparer. Et comment est-ce que nous nous préparons? Parce que l'épouse doit se revêtir. Des fins lin. Parce que les fins lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, nous devons nous dépouiller. Je me dévêtis de ça. J'étais un menteur. Je suis adultère. Je suis orgueilleux. Je viens à l'église. Le Saint-Esprit. À travers la parole de la vérité. Et Dieu me donne la force. Dieu me donne la mauvaise nature. Et par le Saint-Esprit. Je travaille. Je me dévêtis. Ma soeur, c'est clair? Dada yangu, etibiko wazi? Est-ce que c'est clair? Etibiko wazi, bila sikilika? Ceux qui l'ont connu d'abord. Wala alitangulia kujua. Il les a aussi prédestinés. Alitangulia vile vile kuwatayarisha. À être semblable. Wapate kufanana. À l'image de son fils. Mpita ya mwana wake. Quel son fils? Mpita mwana wake nani? Pas le premier Adam. Apana ule Adam wa kwanja. Mais lakini, le second et le dernier Adam. Adam wa pili na wa mwisho. Le second et le dernier Adam. Wa pili na wa mwisho Adam. L'autre que Jésus. Aina mtu mwingine isipokuwa pili. Et la Bible dit. Na Biblia inasema. Tel que nous avions porté. Vile tulichukua. L'image terrestre. Picha ya kidunia. Nous porterons aussi l'image celeste. Picha ya ule wa kumbingu. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide tant. Et c'est ainsi que nous serons agréables. Na ni njoo hivi tutampendeza Mungu. Nous savons du reste yote, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ya wenye kumpenda Mungu, de ceux qui sont appelés ya wale weko wenye kuitwa, selon son destin. Nous savons que toutes choses concourent au bien. Zuri. Qui zuri ni nini? Qu'est-ce qui est, de, qui est bien? Qui a bien ni nini? Qu'est-ce qui est de bien? C'est que Dieu voudrait agréer. Il faut que je sois semblable à Christ. Il n'a pas ni quoi moyen qu'on fasse à Christ. Tu vois, nous chantons. Raison pour laquelle nous chantons, tu n'aimbaka. Parlez comme Jésus. Vous sema ama Yesu. Oui. Dio. Parlez comme Jésus. Sema ama Yesu. Tout au long du voyage de ma vie. Kadiri ya safari yangu ya maisha. De la terre à la gloire. Tout kapadunia kwenda kutukufu. Je demande seulement à parler comme lui. Ninaomba tu kusema ama yeye. Vivre comme Jésus. Kuishi ama Yesu. Oui. Dio. Vivre comme Jésus. Kuishi ama Yesu. Tout au long du voyage de ma vie. Kadiri ya safari yangu yote ya maisha. De la terre à sa gloire. Toka pa dunia kwenda kutukufu yake. Je demande seulement. Ninaomba tu kuishi ama yeye. Agir comme Jésus. Kutenda ama Yesu. Oui. Dio. Agir comme Jésus. Kutenda ama Yesu. Tout au long du voyage de ma vie. Kadiri ya safari yangu yote ya maisha. De la terre à sa gloire. Toka pa dunia kwenda kutukufu yake. Je demande seulement à agir comme lui. Naomba tu nitende ama yeye. Il faut que les gens nous identifient. Inapasa basi tutambue. Comme des chrétiens. Kama Kristo. On ne doit pas m'identifier comme l'enfant de sel. On doit m'identifier comme l'enfant de Dieu. Quand j'agis comme enfant de Dieu, pour donner gloire à Dieu. C'est ça le bien. Et tout travail. Amen. Amen. C'est pas pour rien que nous chantons encore. Nous sommes sur la terre. C'est pour Ninju. Hein? Nous sommes sur la terre. Tukupadunia. Nous sommes. C'est pour retourner bagage. Hein? Hein? Ça c'est un des cantiques, n'est-ce pas? Ni mumoe wa nyimbo. Tu n'es pas gâté, n'est-ce pas? Tout concours. Concours. Hein? Pour mon bien. Je viens en penda, Yesu. Et si les épreuves arrivent? Akama majaribu mefika. Si les épreuves arrivent? Akama majaribu mefika. Pour faire quoi? Njoo kamilisha. Ça m'apprend quoi? Il nifundisha. Les épreuves m'apprend quoi? Majaribu nifundisha nini? À combattre, n'est-ce pas? Kukumbana. Qu'est-ce que je combats? Nina kombana na nini? Est-ce que je te combats toi? Et tu na kombanisha wewe? Dès que je combats ma chair. Nina kombanisha na kombanisha ni mwili yangu. Je combats ma chair. Nina kombanisha mwili yangu. Quand les épreuves arrivent. Wakati majaribu na elles m'apprennent à combattre. Kukumbana. Parce que j'aime Jésus. Mimi mimi nampenda Yesu. Donc je combats ma chair. Je combats les désirs de la chair. Mania ya mwili yangu. Ni kwa ndani mwangu. Est-ce que vous comprenez? Et tu naelewa? Quand la tempête, quand le vent lui arrive, mefika, il travaille aussi pour mon bien. Parce que ça enfonce mes racines. Mais vous savez, quand ma frappe est en couille, ma tribulation, il faut la tumika en juni, il faut la tena kabisa, pour dire ce que Dieu a dit. Nous ne chantons pas pour chanter. Abimba que tu n'as pas de pana. Nous avons la révélation. Nous avons la révélation. Amen. Amen. Ce sont les cantiques de rédemption. Nyimbo ya ukombozi. Aina mamimbo ibantu na fonde. Ce sont les cantiques de rédemption qui ont été inspirés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi tout le monde peut les chanter dans leur langue. Il n'y aura pas de contradiction. Amen. Amen. Tout concourt pour mon Dieu. Puisque j'aime, quand les épreuves arrivent, elles travaillent pour mon bien. Parce que j'apprends à mieux combattre. Qu'est-ce que je combats? Je combats le désir de ma chair. Qu'est-ce que je combats? Je combats les œuvres de ma chair. Et toutes les œuvres de la chair, quelle que soit leur forme, c'est diabolique. Si vous voulez lire ça, lisez dans la lettre de Sileur 41. Toutes les œuvres de la chair. Matendo yote ya mwili. C'est diabolique. Ni ya shetani mumutu. Ni shetani ndani ya mutu. C'est le diable dans l'homme. Le diable se cache derrière. Shetani olijificha kuyungongo ya hii mwili. Na eko na tucheze ya sana. Et se joue de nous tellement. Mais kama unafika mjipimo ya kutawala. Unatawala kutaka kwako. Dada utanja kuwina. Utanja kuwina. Kikera realma vainqueur. Lakika kweli utakuwa mshindaji. Les démons tu vas les chasser. Utaishfukuza. Tu imposeras les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Nous devons dominer les désirs de la chair. Amen. Amen. Dieu, que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Ainsi. Ivibas. Ce qu'il a connu d'avance, voilà, kujua, il les a aussi prédestinés. Oui, mes frères, oui, mes sœurs. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Quel dessein? Quel dessein! Nous sommes appelés à être semblables à l'image de Jésus-Christ. Parce que l'image que nous portons, c'est une image corrompue. Toi, mon frère, tu n'as pas été créé à l'image de Dieu. Tu as été engendré à l'image d'Adam, à la ressemblance d'Adam. Et l'image d'Adam, c'est une image corrompue. C'est une seule robe d'occasion. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. C'est une seule robe. Kama huku munene, konda, urge weneye. Kama huku mkonde, nenepa, urge weneye. Hakuna kila mtu ako na nganjo yake. Si wote, tuna robe moja. Nous tous, il n'y a pas le chrétien de ceci, il n'y a pas le chrétien de cela. Comme si vous êtes tous des chrétiens, nous allons commencer à agir comme des chrétiens. Frère, si tu es chrétien, frère, le frère peut venir chez toi avec tel problème. La manière dont tu vas lui répondre, la manière dont tu dois agir, s'il quittait chez toi et venir chez moi avec le même problème, moi j'agirai et je ferai tel que toi tu l'as fait. De la multitude de ceux qui ont cru, tous n'avaient qu'un. Un seul cœur et une seule nafsi moja. Un seul cœur. Moyo moja. Mais vous savez, il est raw. Ce cœur-là. Il est raw. Ce cœur-là. Que Dieu t'a donné. Il est raw, moya. Le même cœur-là. Dieu m'en donne aussi. Il est raw, mon gars, compatible. Le cœur que Dieu t'a donné. Il est raw, moya. C'est le même cœur que Dieu m'a donné aussi. Que Dieu nous aide. Ainsi mon frère, ma soeur. Quel que soit le moment que tu traverses. Quelles que soient les circonstances de la vie par lesquelles tu passes. Je te déclare ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Que toi mon frère. Tu es appelé selon le dessein de Dieu. Toi ma soeur. Tu es appelé selon le dessein de Dieu. Tu veux accepter cette déclaration dans sa vie. Nous sommes appelés selon le dessein de Dieu. C'est ainsi que je te dis encore cette fois. Par Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. Il n'a pas le projet de malheur pour toi. Il n'a pas le projet de malheur pour toi. Il a le projet de paix et le projet de bonheur. Il accomplira certainement. Est-ce que vous le croyez? Si le Mungu anakubalika, atakifanya. Il accomplira. Il est fidèle. Et mwaminifu. C'est lui qui a commencé l'œuvre. Na niye mwenyewe ataimaliza. Hapana kusikia boka. N'ayez pas peur. Hapana kusikia boka ya magonjwa. N'ayez pas peur de la maladie. Je n'ai pas peur de la maladie. Ana naoga magonjwa. Basi lele njoo kirugeri. Yesu tuna maladie. Na magonjwa yetu yote. Hapana kusikia boka. Ya mambo kuna kufikiria. Je est la solution. A tous nos problèmes. Mambo yetu yote. Mambo itakufanya nini? Qu'est-ce qu'un problème peut faire contre toi? Amen. Amen. Oui mon frère. Dieu ndugu yangu. Oui ma soeur. Dieu dada yangu. On est sa dada. Dis à la soeur qui est à côté. Dieu te connaît. Mungu anakujua. Soutique. Accepte. Mungu ashukuriwe sadi na yuo abantu bote. Dieu ne te connaît pas tel qui connaît tout le reste. Mungu anakujua parce que. Dieu te connaît juste. Uko mu mapu yake ya wokovu. Parce que tu es dans ton destin du salut. Na mapu ya wokovu. Et le plan du salut. Iko yulu. Est au-dessus. Ya mapu ya kiumbile. De tous les plans de l'humanité. Nous ne sommes pas seulement. Il y a tout dans l'œuvre de création. Mukazi ya maumbile. Nous sommes aussi. Nous sommes filets dans l'œuvre de la rédemption. Mukazi ya ukombozi. Alléluia. Amen. Par l'œuvre de la rédemption. Kupitia kazi ya ukombozi. Je relève. Mungu anaamusha. Frère. Nduku. On est sa frère. Dis au frère qui a t'écouté. Moi babantu wote bako mutunia. Parmi tous les gens qui sont dans ce monde. Si c'est 8 milliards de gens. Dieu comme milliard munane ya watu. Je te connais. Mungu anakujua wewe. Je te connais. Mungu anakujua wewe. Comme il te connaît. Sabine yeye anakujua wewe. C'est quoi il te dit? Dieu comme anakonnaît. Je n'ai pas un projet de malheur pour toi. Sina na mapu ya ole juu yako. J'ai un projet de paix. Sina na mapu ya amani. J'ai un projet de bonheur. Ya raha. Vous me chercherez. Vous allez vous me trouverez. Na mutanipata. Vous prierez. Je vous escorterez. Alléluia. Prenez courage. Dieu est avec toi. Qui sera contre toi? Muchakuliwa abamkombanisha. Un élu, on ne le combat jamais. Kama unakombanisha muchakuliwa. Tu combats un élu. Wanjo utanguka. C'est toi qui vas tomber. Amen. Amen. La Bible dit. On est. Et pour que tu croyais. Que ce soir. Je puisse honorer ta foi. En quoi mini mundo. Tu n'as pas cru en homme. Tu as cru en Dieu. Dieu, Mungu, de la même manière, namna moya moya, qu'il avait appelé Moïse, alimuitaka Musa, amen, amen, si baba yake na mama yake, son père et sa mère, ndio walimpatia jina sema huyu mtoto tutamuita senani, c'est son père qui lui avait attribué le nom de Moïse. Et le même nom de Moïse. Mungu, Dieu l'a appelé par son nom. À travers le buisson ardent. À travers, Dieu l'a appelé. Par le nom que son père lui avait donné. Dieu aussi. Mungu, vile, vile. Il t'a appelé par ton nom. Il t'a appelé par ton nom. Il t'a appelé par ton nom. Il n'a pas fauté. Il n'a pas fauté. Il ne fautera jamais. Il n'a pas fauté. C'est lui qui l'a appelé. C'est toi seulement. Il ne faut pas te tourmenter. Le corps nous trouble. Si tu n'as pas du travail, c'est là que nous serons troublés. Ne sois pas troublé. Va à genoux. Dis à Dieu. Tu m'as dit, je mangerai mon frère. À la sueur de mon front. Je n'ai jamais été paresseux. Donne-moi du travail. Je te donnerai le travail. Parce que il est fidèle à sa parole. De tous ces gens qui existent. Kati ya watu wote wako wako. Je te connais. Mungu ananijua mie. Je te connais. Mungu anakujua wewe. Je te connais. Mungu anakujua dada. Comme il te connaît. Sa vile yeye anakujua. Il t'a appelé. Alikuita. Comme il te connaît, il t'a appelé. Alikuita. Amen. Amen. Et quand il t'a appelé, alikuita, il sait que anajua kusema, en toi, yako, il y a certaines potentialités. Muko mawezo fulani, il y a certaines potentialités. Muko fulani, et je peux dire, na kusema, ce sont des potentialités divines, dormantes. Ce sont des potentialités divines dormantes. Il n'a pas eu comme on a pas tant de monde. Vous, on a la bouche à qui il y a encore. On t'attendu à qui le secondaire il y a encore. Là où t'es qui tombe ici ça. Je regarde. Parmi les gens. Katikati ya watu. Il y avait des gens beaux. Mkwa batu wa rembo kwa uso. Ya plus que Moïse. Kupita Musa. Il y avait des gens intelligents, de plus que Moïse, Musa, mais Dieu regarde. Lakini Mungu akangalia, parmi tous les gens, katikati ya watu wote, il se souvient de sa promesse akakumbuka malako yake, qu'il avait fait à Abraham. Il a mpataka Ibrahimu, parce qu'il avait dit à Abraham, Ibrahimu, ses descendants seront étrangers dans un pays wageni, qui ne sera pas de leur. Mais autant marqué, moi Dieu, je descendrai. Shukaka, je le délivrerai. Kombowaka, je le ferai sortir de ce pays-là. Dans un pays, mais Dieu était capable. La couche comme un aigle. Et descendre, je ne sais pas, l'aigle aigle, un grand aigle. Et tous pouvaient monter sur les ailes de l'aigle. Et ils pouvaient voler avec eux. Et pour arriver à Canaan et les déposer. Et revenir encore, prendre encore un autre groupe, et aller avec eux, pour les déposer à Canaan. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Tu n'as pas fait ça parce que tu devrais marcher. Tu devrais marcher. Tu devrais passer par les difficultés. Et à travers tout ça, tu devrais prouver à Dieu que moi je t'aime. Écoutez, la Bible dit, Église, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Verset 2. Souviens-toi de tout le chemin yote, que l'Éternel, mule wa milele, ton Dieu, Mungu wako, t'a fait faire passer. Alikupitiza. Amen. Amen. Pourquoi Juanine, l'Éternel wa milele, t'a fait faire passer par ce chemin-là? Alikupitiza mwile njia. Souviens-toi. Ukumbuke. De tout le chemin yote, que l'Éternel ton Dieu wa milele Mungu wako, t'a fait faire pendant 40 années kadiri ya miaka makumi ine, dans le désert mule mujangwa, afin ili, de t'humilier akushushe, et na, de t'éprouver akujaribu, pour savoir jua kujua, quel était les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non tes commandements, les élus de Dieu, Dieu les éprouve. C'est face à cela que Dieu est en train de dire à Satan, quand vous l'angoissez à Eve, si tu avais fait tomber Eve, où est mon visage de la Odyssée, à où t'as mon angoissez, tu ne pourras pas la faire tomber, à ta coup de prière, à ta coup de prière, avec la parole de Dieu. Dieu a appelé Moïse. Mungu alita Musa. Est-ce que tu crois aussi que Dieu te connaît? Eh, tu n'as mis ni à papa Mungu anakujua. Mon frère, ton nom c'est qui? Ndugu yangu jina lako nani? Michel nani? Eh, Michel Muteba. Donc, paka vile bari kuweka jina kwenu. Tel qu'on t'a donné le nom de Muteba. Ya kufuatia ingine nini? Hein? Mkeo. Mwinkeo. Michel Muteba. Mwinkeo. C'est-à-dire Jésus, s'il veut parler de toi, il dit avec précision, je suis en train de parler en faveur de Michel Muteba Winkeu. Même si on l'accuse, mais moi je viens et je suis en train de parler en rapport avec lui. Mungu anakuyua. Par ton nom. Il veut t'appeler. Il t'appellera par ton nom. Il a appelé Moïse. Ali Mouita Moussa. À travers le buisson ardent. Mukiditi Yamoto. Moïse regarde. Moussa Kangalia. Qu'est-ce qui se passe? Imambo Kanina Pitika. Comment il y a les feux? Je Kukomoto. Mais les feux ne sont pas consumés. Lakini Mayani Kiditi Ailungula Pana. Ça c'est un phénomène. Ni mandamano moya ya kimbingu. Et comme il y avait un phénomène surnaturel. Na mule ndani mulikuwa mandamano moya ya kiroho ya kimbingu. Comme l'envoi est sorti de ça. Mule mkijiti. C'était aussi un appel surnaturel. Ile nayo ilikuwa mwito ya kimbingu. Pour des choses surnaturelles. Juu ya bintu vya kimbingu. Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose de surnaturel? Mungu ile Mungu anafanya shie. Moïse. Musa. Moïse. Musa. Moïse a répondu. Moussa Kajibu. Mais voici. Miaba. Mais voici. Miaba. Et Dieu lui a parlé. Namungu akasemanaye. Dieu lui a parlé pourquoi? Parce que son peuple. Taifa yake. Le peuple qui est dans l'Égypte. Ce n'était pas le peuple de Pharaon. Ah, okay, watu wa Pharaon apana. Nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes pour Jésus-Christ. Tuko juu ya Yesu Kristu. Amen. Amen. Dieu a parlé. Mungu akasema. J'ai vu. Yesu. J'ai vu. Niliona. La souffrance de mon peuple. Mateso ya taifa yangu. J'ai vu. Niliona. La souffrance de mon peuple. Mateso ya taifa yangu. Et j'ai vu. Na niliona. L'oppression. Kusongwa. L'oppression. Kusongwa. Je lui fais l'oppresseur. Kule utesi wa mafokeswa nako. Je suis descendu. Nikashuka. Kule delivre. Kwa kumkomboa. Afin de le faire sortir. Ili wapate kutoka. De ce pays-là. Kule ichi. Kule zamene. Kwa wapeleka. Vers un pays. Kuichi moja. Ukululelele. Kule mnabuya maziwa na asali. Pale walikuya. Là où ils étaient. Aina fashiamo. Ce n'était pas leur pays. Fashiamo. Leur place. C'est Canaan. C'était à Canaan. Amen. Amen. Pale wiko. Là où tu es. Aina fashiamo. Ce n'est pas ta place. Fashiamo. Ta position. C'est en Christ. C'est en Jésus-Christ. Et si tu es en Christ. Nous avons condamné à Christ. Tu vas faire les choses comme Christ. Tu as fait habitu à ma Christ. Moïse pouvait dire. Moussa l'ouezi kustema. Moi j'ai pas de capacité. Mais si on a le ouezo. Je bégaye. Nous la gara qui kukumina. Dieu le regarde. Mungu akamwangalia. Mais qui a créé la bouche? Nani alumba kinywa? Quand toi tu dis je suis incapable. Wakati unasema sina la uwezo. Dieu lui te dit tu es capable. Mungu anakuonyesha uko na uwezo. Quand Dieu dit que tu es capable. Wakati Mungu anasema utaweza. D'être saint. Kuwa mtakatifu. Amen. Amen. Ne dis pas que je suis incapable. Ukisema semi sitaweza. En toi. Ndani yako. En tant que élu. Sawa mteule. Tu as les capacités. De vivre la vie sainte. Ya kuishi maisha takatifu. Non, je bégaye. Oh, mina kikukumina. Je regarde. Mungu akangalia. Il dit ok. Akasema sawa. Il prend Aaron. Anasema kwa Aaron. Anenda na kwa Aaron. Il prend Aaron. Anabeba Aaron. Il le met à côté. Anamweka pembeni. Je pourvois. Mina tayarisha. Aaron va parler. Aaron atanda kusema. À travers ta place. Pa fazi yako. Oh, j'ai des manquements. Oh, ni una makosa. J'ai des faiblesses. Ni una maudhaifu. Je ne sais pas faire. Sijue kufanya. Je regarde. Mungu akangalia. Oui. Ndio. Tu as des manquements. Uko na maukosa. Mais moi, Dieu, lakini Mungu. Accorde tes manquements. Juu ya maukosefu yako. Je pourvois Jésus-Christ. Mina tayarisha na leta Yesu Kristo. Jésus Christ va t'aider. Atakusaidia. Tu ne vas pas demeurer dans les faiblesses. Tu vas sortir. Utatoka. De tes faiblesses. Pour faire ce que je veux. Faire que mimi Mungu minapenda. Amen. Amen. Mais même quand les gens regardaient Moïse. Atawa kati batu anaanza kumwangalia kwa Musa. Quand il est en train de travailler c'est. Wakati kwa anatumika. C'est son beau-père. Kwa baba yake umko Yetro. On pouvait voir. Baliwezi kuona un homme qui est en train de nourrir les brebis. On pouvait même se moquer d'elle. Maliweza ta kumchekelea. Ushiboi. Il est allé travailler chez son beau-père. Mais Dieu lui a regardé. Il voyait un prophète. Alikuwa anaona nabii. Dieu regardait. Mungu akana angalia. Les gens voyaient. Watu wanaweza kuona. Un berger. Mchunga kondoo. Mais Dieu lui a regardé. Lakini Mungu akataka kuangalia. Il voyait. Alikuwa anaona nabii. Est-ce que vous pouvez comprendre? Eh, si mnaweza kuelewa. Comment, à quoi Dieu nous a appelé? Namna gani na nini Mungu alitutia? Dieu lui voyait. Mungu alikuwa anaona. Un prophète. Nabii. Mais les gens voyaient un berger de Béthel. Mais Dieu voyait un prophète Nabi. Qui doit conduire son peuple. Qui doit conduire son peuple. Révérend, quand tu étais petit enfant, quand tu jouais au ciel avec les pilotes, comme tout le monde, tes parents pouvaient se faire peur. Quand Dieu lui a regardé, il dirait, c'est mon berger, Akambo, c'est lui qui conduira mon peuple. C'est lui qui conduira mon peuple vers leur destinée. C'est la vérité. La Bible dit, obéissez à mon conducteur. L'arrogance que nous voulons manifester aujourd'hui. Si je méprisais les serviteurs de Dieu, que moi je puisse mépriser mon pasteur, que je puisse mépriser mon pasteur. Quand on dit pasteur, c'est quoi? Pasteur, c'est un berger. C'est lui qui nourrit. C'est lui qui conduit. Et il est en train de veiller sur vos âmes. Et il répondra pour vos âmes. Comment est-ce que je dois lui manquer le respect? Comment est-ce que je dois lui remanquer le respect? C'est Moïse. N'avait pas écrit. Le peuple de Dieu ne pouvait pas sortir. Est-ce que vous l'acceptez ou pas? Par un prophète, Kupitia Nabi, Dieu a fait sortir Mungakatosha, Israël hors de l'Égypte. Inje ya Misri, par un prophète, Kupitia Nabi, Dieu a gardé Mungakatunga. Par un prophète, Kupitia Nabi, Dieu nous a fait sortir Mungu alitutosha, hors des dénominations. Inje ya mazehebu. Par un prophète, Nabi, Dieu nous a fait sortir Mungu alitutosha, hors du monde. Ya dunia. Et par la parole prophétique, Dieu nous garde. Mungu alatulinda. Amen. Amen. Et pour nous conduire, Dieu a regardé parmi les gens, batu, à la table il dit parmi tous les gens, Goindai. Il y a certaines bénédictions que nous manquons parce que nous méprisons. Amen. Amen. Sur le plan local, il y a un berger. Regarde. Même si vous tous ici vous deveniez des anciens, même s'il mettait 1000 anciens, Dieu lui, même si toi tu es ancien, c'est lui qui répondra à cause de toi. Vous n'êtes pas au même pied d'égalité. Peut-être les gens n'acceptent pas cela. Amuna vous n'êtes pas au même pied d'égalité. Ouais, toi, ne répondra pas pour ces gens. Ula, qui c'est lui qui a la charge. C'est pourquoi, pour laquelle, tu dois être derrière et prendre même tous les gens. Soyez derrière le berger. Joville. Mais là aujourd'hui nous voulons que nous voulons ôter l'honneur qui t'est dû. Pastor, l'honneur qui t'est dû. Tu es berger. Ou comme tu gardes, Dieu vile. Tu es berger. Ou comme tu gardes. Tu conduis ces gens. Ou qu'on engosa à Watu. Et ces gens sont derrière toi. Mais comme Congo Yako. Nous allons défiler. Tout à pita mkistari. Nous allons défiler. Tout à pita comme mandamano. Ceux qui étaient de l'âge de fer. Ils vont passer. Tout à pita. Tu étends d'Abraham. On va aussi passer. Tout à pita mandamano. Tu seras devant. Tout à kumbele. On sera derrière. Tout à kwa kumkongo. Amen. Amen. Jote mukuna fanya. Tout ce que vous faites. Kama mukuna fanya vivaya. Vous faites le mal. Aya yenu na yenu mangu tia pasteur. Vous êtes tombé aussi si votre pasteur. Adam mukuna katala c'est la vérité. Même si vous le refusiez, c'est ça la vérité du coin. Qui couronne sa vie. ce qui couronne son ministère, c'est la vie que vous menez. Est-ce que vous comprenez? Comme vous connaissez l'église, vous n'avez pas charité ma mère. Il y a beaucoup d'adultères. Mais qu'on a foigné cana. Il faut n'importe quoi. Les frères et sœurs, il est ailleurs. Il retombera aussi sur votre pasteur. C'est pourquoi, quand votre berger parle, écoutez-le. Vous nous utilisez, yeye. Confiez-vous à mes serviteurs yangu, et na, vous réussirez. Utaweza. Dieu honore ses serviteurs. La charge vous sur le plan local, mes frères et sœurs, c'est une grande charge. Ni vous dites mkubwa. Est-ce que vous acceptez l'église? Est-ce que vous soutenir pasteur? Acceptez-vous de soutenir votre pasteur? Est-ce que vous êtes comme acceptez-vous de l'écouter? Tu as un problème. Tu viens auprès de votre berger. On est d'accord avec le pasteur Wenu. Il te dit, à la connaissance, fais ça. Fanya easy. Fais ça. Fanya easy. Obéis. Si. Comment la Congo ça m'ouvre? Si tu conduisais mal, c'est lui qui répondra. Dieu a regardé. Mungu akangalia. Il a trouvé Moïse. Akakuta Musa. Non, non. Je suis en train de bégayer. Oh, mimi, non, non, je suis incapable. Sina na uwezo. Dieu regarde. Mungu akangalia. J'étais élu bien avant la fondation. Nilikutagua mbele hata dunia ipate kuwa. En toi, il y a les capacités. Ndani yako kuna uwezo ya kuongoza. Dieu regarde. Mungu akangalia. Il prend son bâton. Anabeba bakura yake. Il est pas que les bâtons. Le même bâton là. Yenye arrange pour piquer par brebis. Il utilisait pour taper derrière le brebis. Quand les gens voyaient ça comme un fouet. Wakati batu wanaweza kuangalia ile bakora, wanaweza kuona ta fimbo. Pour pratiquement frapper. Ja kupika kundo. Mais Dieu regarde. Lakini Mungu akangalia. Il regarde ce bâton là. Akangalia ile bakora moya moya. Il dit ça, ça sera mon bâton. Akasema hii itakuwa bakora yangu. Ça sera mon bâton. Itakuwa bakora yangu. Avec lequel na ile na mie. Mon serviteur. Mtumishi wangu. Va conduire maintenant mon peuple. Ataongoza nayo sasa taifa yangu. Est-ce que vous comprenez? Et tu m'aelewa? Dieu a pris le bâton. Mungu le bâton de Moïse. Bakora ya Musa. Il a pris le bâton de Moïse. Akabeba bakora ya Musa. Il en a fait son bâton. Akaifanya kuwa yake. Et Moïse a commencé à conduire. Na Musa akaanza kuongoza taifa. De la même manière. Namna moya moya. Que Dieu avait appelé Moïse. Mungu alimuitaka Musa. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, c'était un appel à laquelle était attaché le surnaturel. Dans cet âge aussi, il y a eu un appel à laquelle est attaché le surnaturel. Sortez du milieu de mon peuple. C'est un appel à laquelle est attaché le surnaturel. Est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous acceptez? Ne dis pas, je suis incapable d'être soumise. Sina na uwezo ya kuwa mtiifu. Quand Dieu te regarde, wakati mtu anakuangalia, Mungu anakuangalia anasema utaweza. Tu es capable. Uko na uwezo. Quand Dieu te regarde, wakati mtu anakuangalia, il dit que tu es capable. Anasema uko na uwezo. Il nous a élu. Alituchagua. Pour que nous soyons saints. Ili tupate kuwa watakatifu. Mes frères et sœurs, nous devons être saints. Tunapaswa kuwa watakatifu. Nous avons la capacité. Tuko na uwezo. D'être saints. Ya kuwa watakatifu. Nous avons la capacité. Tuko na uwezo. D'être irréprochable. Ya kuwa bila kemeo. Amen. Amen. Dieu ne connaît pas seulement nos faiblesses. Mungu asijue paka maudhaifu yetu. Il connaît aussi nos capacités. Anajua vile vile mauwezo yetu. Il y avait Gédéon. Pourquoi qu'à Gédéon? Le peuple était vraiment en débandade. Watu alikuwa wakuzambalala. Et il était assis sur les téberettes. Na yeye alikuwa shakuikala pa téberettes. En train de faire le fromage. Mkufanya fromage. Il fait le fromage. Anafanya ile fromage. À la vie des Madian. Na kule kumandiani. L'Éternel vient. Wamilele akakuja. Il le regarde. Akamtazama. Lui s'est considéré comme un esclave. Mais Dieu le regarda. Anasema, et s'est dit, vaillant, shuja, héros. Mungu anasema, Mungu akasema, vaillant, modari, shuja. Accepte que tu es un élu. Accepte ce que tu es en train de dire. Il ne faut pas te renier. Mais comme l'homme veut se justifier, la Bible nous appelle à que ma Dieu lui dit, Munga kamonesha, Faya ero, we, shuja, mais l'homme se regarde. La muta kajitazama. Si tu dis l'Éternel est avec moi, comment on a fait nani? Mais pourquoi toutes ces choses, Marie? Ça doit nini bitu biotu le sikilia. Où sont les prodiges que nos pères nous disaient? Dieu lui dit, Gédéon, vaya héros, avec la force que tu as, na ile nguvu kunayo, avec la force que tu as, na ile nguvu kunayo, va, wende na, va, wende, délivre mon peuple. Est-ce que vous croyez que en nous, des élus de Dieu, nous avons les capacités de faire les bonnes choses? Faya ero. Shuja. Va. Wende. Anasema pana. Il te dit non. Écoutez. Usikilize. Le péché. Zambi. Nous a toujours éloigné de Dieu. Il est pleka kila mara mbali na Mungu. Mais Dieu. Lakini Mungu. Par rapport à cet état. Kuangalia ile hali tuko. Il ne reste pas indifférent. Asibaki yake wakusula tu. Il y a toujours eu le temps des visitations. Kunakala kila mara wakati ya kutembelewa. Il y a toujours eu le temps des visitations. Kupaka wakati ya kutembelewa. Et quand Dieu visite son peuple. Na wakati Mungu anatembelea taifa yake. Il donne à son peuple. Eko napata taifa yake. Toutes les capacités possibles. Mauwezo yote na wezekana. Pour accomplir le but de la visitation. Ya kutimiza kifukuzio kia ile matembezi ya Mungu. Amen. Dans cet âge, Dieu nous a visités. Comme Dieu nous a visités, par cette visitation, Dieu nous a donné les capacités d'accomplir le pouvoir de la visitation. Comme Dieu t'a appelé ce soir, comme Gédéon, dis-moi à Dieu. Seigneur. Buana, ça va, j'accepte. Dis, de la même manière que tu as appelé Moïse. Namna moya molita Musa. Tu vas appeler aussi. Undiovila miulinita. Dans ma dimension. Mukipande kyangu. En tant qu'élu de Dieu. Na mteule wa Mungu. Tu m'as aussi appelé. Nami vile vile ulinita. De la même manière. Namna moja moja. Que tu as appelé Gédéon. Ulimuita Gédéon. Tu m'as aussi appelé. Nami vile vile ulinita. Tu acceptes que Dieu l'a appelé selon son dessein. Mungu alimuita. Qui accepte que Dieu l'appelle selon son dessein? Le dessein d'être semblable à son fils. Qui accepte? Dis à Dieu. Parce que toi Dieu, tu es aussi le Dieu qui accomplit les désirs de ceux qui te créent. Gédéon, il a aussi éprouvé Dieu. Il a aussi éprouvé Dieu. Toi aussi. Nawe vile vile. Par rapport à tous les problèmes que tu as, mambo yote uko nayo, on va arrêter. Tatimamisha. Par rapport à tous les problèmes que tu as, fuatana mambo yote uko nayo, muoneshe Mungu. Hii mambo niko ndani. Les problèmes que j'ai, haikupite nguvu hapa. Ne te dépasse pas. Wewe Mungu, toi Dieu, uko yule ya mambo yote. Au-dessus de tous les problèmes. Niko nakupaya na kuomba. Je te demande. Ingia kwa hii mambo. Entre en scène. Et donne-moi une solution. Que Dieu agira. Na Mungu atatenda. Que Dieu vous bénisse. Mungu emibariki. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mungu les appelés de Dieu, selon le dessein de Dieu, que Dieu vous bénisse. Jérémie Lachero, pasteur. Narucha Mimbari kwa pastori.